station, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Black M. Black M. Bienvenue dans ce Planète Rap entre 20 et 21, un petit peu même avant 20h. Il est grand temps de débuter ce Planète Rap avec des invités fous furieux. Achète l'album, sinon on va te buter. Des mecs énervés. Des mecs qui sont sortis du Wood. Du Wood. Pardon, je joue pas. Non. Wood. Du Reps. Voilà. Des mecs qui sont sortis de prison après combien d'années de placard? 38 ans. Ils sont là, on va aller voir ton sang ce soir. On va les présenter dans un instant. Yes. Il est énervé, mais en attendant, j'ai envie de saluer Black M, puisque c'est déjà la troisième émission de ce Planète Rap, de cette émission, de cette semaine, pardon, je cherchais le mot, je l'ai retrouvé, de cette semaine. Mmh. Avec cet album, on approche, mine de rien, 5 jours avant la sortie. 5 jours avant la sortie, j'y vois. 5 jours avant la sortie. Non, pression. Tu tremblotes? Hein, un peu de pression quand même. C'est la pression qu'il nous faut et qui nous fait avancer. Même pression que pour les projets de la section ou pareil, bon, pareil. Ouais. Voilà, c'est un gros album qui arrive. Il s'appelle d'ailleurs Les yeux plus gros que le monde. Yes. Entre 20h et 21h, on le découvre chaque soir. Et donc, je disais des invités. Il y a des invités ce soir. Bonsoir. Je découvre autour de la table des gens qui viennent de s'installer. On peut déjà saluer l'invité qui est là, mais c'est même plus un invité. C'est le compère autour de cet album. C'est monsieur Abou de Bang. Abou de Bang, viens dire ouais, bonsoir avec bonsoir, ta. Bonsoir, Abou de Brosse, il est là. Il est... Abou de Brosse, ouais, ici. Il veut lancer un swag d'après lui. Non. Laisse-moi. Ça vaut quoi, frère? Vous pouvez mater les images sur skyrock.fr, voir comme il est très bien coiffé, hein, d'ailleurs. Ah, Abou tu de m'as Bang. Bien, c'est bon. Pardon? Te demander comment tu allais. J'ai pas l'air en pleine forme? Je sais pas, c'est de la politesse. Bah, je vais super bien et je suis ravi que tu me demandes, merci beaucoup. Vas-y, tranquille. Franchement, c'est un plaisir d'être à tes côtés depuis lundi. Et bah pareil. Et toi, Black, ça va? Moi, ça va très bien, gros. T'es sûr? Très bien, bien sûr. Quand bon. Tu m'envoies des textos, la Nike. Arrête, poteau. Le mec, il me WhatsApp, mais mon gars. Franchement, il pète sortir la forme, les dossiers. Mais c'est parce qu'il dort pas la Nike. Exactement, il a tout dit, mon gars. Et bah, on peut présenter celui donc qui a fait 38 ans de prison, qui est sorti depuis. Vas-y, présente-toi. Depuis peu. Tola. Que vous voyez à la télé de temps en temps, même pas de temps en temps, tous les jours sur le mec, il fait TF1 tous les jours, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il plaisante pas. Je mets les chaussons, je suis devant chez. Le mec pourrait être sur le câble satellite. Non. Je mets les chaussons et je dîne avec toi. Et voilà, c'est ça. En fait, oui, tu fais. D'ailleurs, on va pas dire à quelle heure. Non, on va pas dire à quelle heure. Mais vous trouverez facilement. Il est dans la petite série Les chers voisins. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est un comédien accompli. Un rappeur hors pair. Tu parles de mon beat, toi tu dis mon beat. Attends, je t'entends mal, pourquoi je t'entends mal? Je sais pas, c'est voilà. Ton micro, il déconne. C'est ça en fait, on a voulu te censurer. Ouais, tu es dans le clip aussi de Black M. Oui, exactement, je joue un prof d'histoire géo qui se fait Hagar, comme voilà, dirait chez nous. Un prof. C'est monsieur Issa Doumbia. Monsieur Issa Doumbia, ouais, qui essaie de se faire respecter dans le clip. Mais qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas trop, non. Non, mais. Bon, après, je me mets du côté des élèves, je danse avec eux. Ouais, un truc de dingue, quoi. Exactement. Bon, ça va bien? Ouais, franchement, c'était mortel de faire ce clip. Madame Pavouchko, c'est le clip, hein. Ouais, et c'est la première fois que je vois un artiste faire un clip et le sortir aussi vite et qu'il soit de aussi bonne qualité. Pourquoi vous l'avez tourné quand le clip, d'ailleurs? Bah, la semaine dernière? Il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que ça s'est passé assez vite. Il est arrivé lundi, le clip, ouais. On en avait besoin assez vite. Et ouais, voilà, bah, ça a donné un très très bon clip. On est satisfait. Gros clip. Et bien, bienvenue, Issa. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être galant, puisqu'il y a aussi une jeune fille autour de la table qui fait partie de l'équipe du Watibé qui est là. Jeune femme. Une jeune femme, même. Bah, pardon. Une jeune femme. Tu nous la présentes, tu veux dire un mot? C'est la très chère Charlie Bell. Charlie Bell du label Watibé. Charlie Bell. Tout est dit dans le nom, comment ça va? Ça va très bien et toi? Et toi en forme? Ouais, ça va très bien. Bien. On est venu soutenir Black M. Et toi aussi, je vois. Attends, parce que sur l'album de Black M, quand vous l'aurez lundi dans les bacs, il y a tout. Hein. Il y a marqué des sorties pour tout le monde. Ouais, il y a marqué Charlie Bell courant 2014. Voilà, non, ça arrive, on est en train de travailler dessus. C'est en train de taffer. Ouais, c'est en train de taffer. Ça bosse. Tu sais qu'elle est sur un morceau, mais il n'y a pas son blaze. Elle m'a aidé à faire un truc. Elle m'a aidé à faire un truc. Sur le morceau, j'ai fait mes premiers pas de comédienne. Ouais, elle a fait ses premières. Exactement. On va le découvrir ou pas? On va pas le faire écouter, on va le laisser dans le CD celui-là. Bah, tu peux dire le titre au moins. Le morceau Jessica. Vous pourrez découvrir ce morceau dans les bacs lundi. Depuis aujourd'hui, vous avez aussi récupéré un morceau si vous précommandez l'album. Exact. C'est un titre. C'est le morceau assez dansant, Casse pas ton dos. Casse pas ton dos. Yes. Qu'on va découvrir ce soir aussi, je pense. On va l'écouter, ouais. On va le balancer. On va continuer à faire le tour de table? Allons-y, ouais. Allons-y, il y en a un qui vient d'arriver là avec sa teuté. Excusez-moi du retard. Avec sa teuté et ses nombreuses voix. Et ses nombreuses voix, ouais. Willax! Ah, gars! Comment vas-tu? Oh, j'ai cru ça va, on s'en va, tranquille. J'ai cru qu'il saute, mais t'as un vent, il s'est retourné quand il t'a dit. Non, jamais, t'es fou! C'est mon jumeau! C'est mon gars! Ah bon, je me suis dit, il y a clash entre les deux. Jamais. Toi, j'ai compris, tu veux qu'il y ait un clash aujourd'hui? Mais faut dire la vérité. Ça fait un petit moment que j'en ai pas eu dans l'émission, donc. Tous les clashs commencent par chez lui. Ça, c'est le gars le plus dangereux du monde. C'est pour ça, je me suis dit, là, un petit truc. Mais on va te clasher avec toi aujourd'hui! Issa, Willax, vénère. Un petit truc. Ça va bien, Willax? Ouais, tranquille, ça va. Toi aussi, tu es dans le clip. Ouais, apparemment, je fais un agent de sécu chelou là, je sais pas. Un agent de sécu. Le gardien des chars, un truc chelou comme ça, tu vois. Et tu te fais carotter par Black M, on peut le dire carrément. Bon, tu n'arrives pas à le serrer. C'est un peu clé, hein, ils me font pas peur, le Watibé là. Tu faisais pas trop le malin sur le film. Vite fait, hein, franchement, il y a que Dr. Berry qui fait maintenant. Il est loin, il ressemble à Luffy, Megirano, c'est lui le vrai, tu vois. Mais, sinon, le reste. Ça fait bizarre d'écouter la vraie voix de Willax, en fait. T'as vu? Est-ce que tu imites Black M? Il arrive pas. Est-ce que tu imites dans la tête? Il arrive pas. Ici, je le menace. Bah oui, mais est-ce que tu imites Black M? Je te jure, il arrive pas. C'est pas que j'arrive pas, c'est que je suis clément avec mes amis. Mais je peux imiter quelqu'un qui l'adore, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, quelqu'un qui aime beaucoup. Voilà quoi, Joey. On va peut-être garder cette voix toute la soirée, ça va lui faire plaisir. Vas-y, pas de problème. Voilà. C'est une très bonne idée, bravo. Ok. Donc Willax est là avec nous, et puis l'autre moitié des Shinsekai qui est là également. Monsieur Aboutal. Ah bah oui, justement. Aboutal. Mais où est Dadju? Bah Dadju, il est pas là, je pense qu'il va arriver, il va pas tarder à arriver, il est... Il on l'a croisé au restaurant avec des go. Un vrai tacleur de go. Bon, tout va bien? Ouais, tout va bien. On défend le projet qui est sorti. Shinsekai, ils sont présents d'ailleurs sur le projet aussi. Hein. Ouais, on a eu la chance de poser sur un titre avec Doomams et Black Ams. Yep. Bon, bah, bienvenue à vous tous. On débute comme chaque soir avec le Madame Pavoshko. Allez, c'est parti. Bon, Willax. Willax et Issa, vous me faites le rôle comme dans le clip. Bah, vas-y, okay, pas de soucis, si tu veux, on va lui monter le chou direct. Hein. Bon, on va le faire en live après. On va foutre le bordel. Il y a le boss qui vient d'arriver, cet escroc. L'escroc international. Et ben, je vous laisse régler vos affaires pendant le morceau de Madame Pavoshko. Les images sont sur skyrock.fm. Vous pouvez mater ce qui se passe. L'assaut. Yeah. Hello. You. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Aïe Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavoshko. Sans l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. Fire. Sans l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. Fire. Yo, vous vous souvenez de Wham, le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait comme un poucave, wesh, do M9. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Oui, je sais, c'est dommage, du coup. Vos surveillants sont contre moi. Moi, 31 mars. Aïe, Madame Pavoshko, non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Solo, t'es solo, j'me suis dit, c'est le moment, mais le fire. J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma teuté, j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets, ou qui cliquait. Oui je sais, madame le rap a failli gâter ma vie. Aïe madame Pavoshko, non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent madame Pavoshko. Oui, madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet madame Pavoshko. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur les codes. Ça fera une petite anecdote, la directrice elle est conne. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police, et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types. Que pour le fric, quel drôle de type. je dirais même Tigon, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le fric, quel drôle de type. Je dirais même Tigon, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Enfin bref, aïe madame Babochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits madame Babochko, et vos gosses me kiffent madame Babochko. Oui, oui, oui, oui madame Babochko, j'ai toujours autant d'inspi madame Babochko. C'est pour mes gars, so oui madame Babochko. Si vous voulez, on se tweet madame Babochko. Solo, tête solo, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. Fire, fire, fire. Solo, tête solo, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. Fire, fire, fire. Si au cours des 9 classes, les profs disaient que tu faisais partie des plus nasses l'école, jette ton cahier mille fire. Fire, fire, fire. Et c'est pour toi un avertissement, et donc aucune excuse en plus de divertissement, jette ton cahier. Madame Babochko à l'instant. Sur ce qui est, je sens que ça va être une émission dissipée ce soir. Ah, mais c'est dissipé. Pas ton problème. Je sens que ça va être un sacré bordel. On s'en fout de ce que tu racontes. Voilà. Oui, je problème. Suis pas allé à l'école. Nous on veut être. Oui, je sais. Ça, ça, je sais, ça se voit. Ça, oui, ça va être n'importe quoi. D'ailleurs, on s'en fiche de ce que tu dis, Fred de Sky. Issa, t'as eu un truc, toi, exam, bac, BEPC, moi, un truc, un machin. Moi, j'ai eu un truc. Dis la vérité. Un truc, un permis. Parce que maintenant, on sait pour Black M. Climatisation, c'est chaud hein, quand même. Ah, non mais moi c'est pas vrai dans le morceau, hein, c'est pas vrai. C'est vrai de ah non, fou. Moi, ouais, attends, ouais, j'ai ouais, fou. Arrête poteau. Moi je peux te dire la vérité, quoi, c'est vrai de fou. BEP compta tellement loin, double. Ah oui, BEP compta. Toi t'as pas redoublé toi. Mais double redoublant. J'ai jamais redoublé. Double redoublant. Le gars était dans la même classe. Double redoublant. Mais vous étiez vraiment dans la même classe? Non, on était dans la même classe. C'est même. Vous êtes retrouvés vraiment, vraiment, vraiment. Il est resté dans la même classe, même j'étais parti de la classe. Non, arrête. Qui était plus bordélique des deux à l'époque? C'était trop moi, j'avoue. Ouais, mais c'était le délégué de classe. Oh là là. J'ai foutu la merde. Bon plan. Moi je faisais la même chose. Ah comme ça après. Mais c'était un délégué qui fout la merde. Je me défendais. Vrai, toi t'as été délégué de classe. Délégué, genre. Alors qu'est-ce qu'ils disaient les profs sur le petit Black M à l'époque? Il fallait qu'il se mette au fond parce que sa tête était trop grosse, on voyait pas le tableau. Juste des petits trucs comme ça. Juste des petits trucs comme ça. Et toi, bien évidemment, tu défendais. Plus grosse que le monde. Toi, bien évidemment, tu défendais en disant discrimination. Mais toujours. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il faut aider les Guinéens dans ce pays. Tu parles comme ça, on te renvoie. C'était des vrais bails. Non, j'ai beaucoup soutenu le gars. Issa, t'étais pas en cours avec eux, toi? Non, du tout. T'étais une autre filière. Dans le 16e, moi. Oui, c'est ça, t'étais sur une autre filière. Tout à fait, ouais. J'ai fait du droit. Voilà, du droit. Oui, tout à fait. Ça a réussi, je d'ailleurs. Je continue, d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Ok, merci pour ce que tu vois. N'importe quoi. Aboutal, t'étais pas avec eux non plus, non? Non, ils sont un peu plus vieux que moi. Faut dire. Il a étudié, poteau. Non, mais j'ai l'impression. Il est loin, lui. J'ai l'impression. Non, j'ai. Parce que je te trouve quand même plus vieux que Black M, donc j'essaie de comprendre quand vous étiez dans la classe. Parce que comment ça se fait, Comment ça se fait? Dis ton vrai âge. C'est la Côte d'Ivoire, ça nous rend musclés. Même Caris, tu crois qu'il a 43 ans, il a 22 ans. C'est des vrais gars musclés, ça. On n'est pas des gars secs comme ça, là, qui ont 16 ans, là. Mais dis t'as quel âge pour de vrai? Il a bugué. J'ai comme toi. Comme toi. Voilà. Comme ça, t'es tranquille. Comme toi en moins. Bon, je suis sûr qu'hier soir, vous n'avez pas écouté l'émission hier soir, Issa. Tu as écouté? Oh là là, comment il ment. Vas-y, il s'est passé quoi hier soir? Il s'est passé tu quoi mens. Hier soir? Dans l'émission, tiens. Tu mens. On est en mode court. Il s'est passé quoi hier soir? Je sais pas. Tu veux savoir ce qui s'est passé hier pas soir? Dire. Dis-moi. On bah, dit écoute pas. Ça. On a eu le droit en exclu Masca. Yes. Une exclusivité. Exclusivité. Je suis un psychopathe. Mon arme suit. Et tu reconnais évidemment qui fait le refrain. Non, je connais pas. C'est qui ça? Mais si, hier, il y avait même Baraka Dama qui était là. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas hier, il n'était pas là. Merde, non. C'était avant-hier. Non, pas du tout. C'est dimanche, écoute. C'est dimanche. Mais non, dimanche, c'est pas possible. Ça, c'était hier soir, on a eu en exclu Masca. Avec Maître Gims, évidemment, ça sortira à la courant de l'année 2014. On a appris que la sortie de l'album de Maska a été décalée et sortira courant de l'année 2014. Et puis on a eu ce live aussi, écoutez ça. Je me fous de vos idoles carry, ce n'est pas eux qui me donnent le marron. Je suis pas dans les délires, oh elle est quand le soleil frappe, je suis plutôt maroc. Gros son pour les refrains, il faut que tout le monde chante mon refrain. Non, il est pas là aujourd'hui. Avec Dr. Beriz. Yes. Ah, lui, il était là hier. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Docteur Béliz de l'Institut. L'Institut. Voilà. L'Institut exactement. Frappe. L'Institut frappe. Même si tu vas être très technique. Oh, ça va. Calme-toi. Ok, bon, on va passer à autre chose. Élève Willax. Yes. Quelque chose à ajouter, non, un truc? Non, non, je suis toujours. Je me pose toujours la question sur le nom de l'Institut. Si c'est des instituteurs ou s'ils sont vraiment allés à l'école. Quand tu les vois dans le clip là. Toi, tu laisses la parole. Oh, là, ça attaque, ça répond. Ah, ah, attention, Abou de Beng est là. L'Institut. Abou de Beng. Tu recherches à savoir. Tu es très dangereux. Je plaide au nom du groupe. Voilà. Dis-nous. L'Envoie-moi quelqu'un de plus. Tout simplement. De plus. Hein? De plus quoi? Docteur Beriz, il a une bonne élocution. Envoie-le-moi. Non, parce que tu es pas là aujourd'hui. Non, non, franchement, l'Institut, c'est un bon nom. On est des instituteurs dans le rap. D'accord, voilà, très bien. Tout simplement. Ça t'a calmé, Willax? Ah, ça m'a calmé. Voilà, tant qu'il n'y a pas de faute de grammaire, je suis lourd. Le Planète Rap avec ce soir, donc beaucoup d'exclus. On va mettre le morceau dans un instant. Ouais, viens, on met l'exclu là. Le Casse pas ton dos. Casse pas ton dos, exactement. Qui a écouté ici autour de la table le Casse pas ton dos? Moi, je l'ai écouté. Moi. Aboutal. Franchement, c'est un des plus gros titres du projet. Moi, je kiffe vraiment. Et il est dansant. Il y a plusieurs couleurs différentes sur le même titre et c'est ça que j'ai kiffé. Non, vraiment gros titre. Issa, tu dirais la même chose, pareil. Bah j'écoute, voilà. Je vais écouter après. On va écouter ça. Et attention, sachez qu'on aura une exclue ce soir aussi. Ouais. La magnifique Charlie Bell qui est là en face de vous. Oui. Va nous balancer en exclu un morceau. J'écoute, elle est dire un autre un morceau de son projet. Non, c'est bon. Dis-toi. Ouais, un morceau qui va sortir bientôt, le clip, tu pourras le retrouver sur le site wassibé.com. Et il s'appelle voilà. Ce morceau? Il s'appelle T'as rien compris. Voilà. Voilà. Okay. Ça s'adresse à toi. Ouais, j'ai vu, l'a dit d'une façon genre. T'as rien compris, pauvre type. Bon, j'ai le temps de donner mes dates. Oui, donne les dates, puisque attention, dates, à partir du 31 mars, Willax, Issa Doumbia, vous serez peut-être aussi en tournée avec Black M, qui sait? On sait pas, on n'est pas encore invité. Eh ben, choisissez une des dates. Peut-être, choisis une des dates. Si regarde. Ça vous dit de partir à Beauvais. Ouais, regarde, le 31 mars, je serai à la Wati Boutique le jour de la sortie de l'album. 31 mars, Wati Boutique. Mercredi 2 avril à Lille au Food Corner. Tu peux venir? Non. Ok, d'accord. Vendredi 4 avril à Montpellier au MHSC. C'est la boutique du club de foot. Ouais, exactement. Le samedi 5 avril à Marseille à la Wati Boutique. À Marseille? Ouais. Ça me parle totalement. Ok, d'accord. Oui, je viens. Mercredi 9 avril à Toulouse au Météorite. Le vendredi 11 avril à Lyon au Peopleware. Le samedi 12 avril à Bordeaux, California Dream. Le mercredi 16 à Beauvais à Cacheville. Le vendredi 18 à Rennes au Project Store. Le vendredi 25 au Havre au Food Corner. Et le samedi 3 à Béthune à Intersport. À Béthune, tiens, pour conclure, ça va être pas mal, Issa. Non, je vais venir à la Wati Boutique. celle de Marseille. C'est un peu trop loin pour moi. Bon, on va écouter un morceau maintenant extrait de cet album qui s'appelle Les yeux plus gros que le monde. C'est exact. Un morceau qui est arrivé. Si vous avez précommandé cet album aujourd'hui. Issa, Willax, c'est à vous que je m'adresse. Non, mais j'ai fait le faire. Voilà, vous pouvez précommander l'album. Et tu regardes dans mon compte à la poste déjà, si vous pouvez. Regarde sur le compte avant la poste. Et si tu peux précommander l'album, tu reçois tout de suite ce morceau qu'on va écouter qui s'appelle Casse pas ton dos. Casse pas ton dos maintenant en exclu. C'est parti. Cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement, cousine, ne casse pas ton dos. Mais vas-y, doucement, cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement, cousine, ne casse pas ton dos. Mais vas-y, doucement, cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement, cousine, ne casse pas ton dos. Mais vas-y, doucement, cousine, ne casse pas ton dos. Wesh, ton coq existe. Fais doucement, car imagine que tu le bloques. Miss, comme sur MTV, on va devoir te dismiss. Et dans notre famille, ce n'est pas le genre de choses qui se disent. Tu vas te casser les os et ce n'est pas le chien qui parle. Tu n'es pas et tu n'as rien de mal. Sauf Shakira. T'as l'impression que je te provoque, mais ton boule en fait autant. Face à l'humain, négro se transforme. On va envoyer ton lapten à ton daron juste pour voir si tu te la pètes. Autant on verra si vous avez le même pas de danse en réseau. Attends ma belle, je te laisse le temps de toucher là ton ex, même le verra pas d'excuses. Ton cabu en exclu. Tu veux forcer le mec, tout que toutes les têtes tournent. Et ta boîte à la rescousse, fais kiffer ma West Coast Africa. Obligé de crier, fais doucement les tigas. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. On t'a marqué à l'entrée, tu nous as déconcentrés. T'es le point faible des hombres, moi-même j'en perds mes mots. Tu leur fais tout de l'ombre. Oui, elles veulent tout te contrer. Oui, elles veulent tout te montrer. Elles veulent tout faire le show. Doucement cousine, ne casse pas ton dos. Et toi doucement cousin, ne casse pas ton cou. L'ago t'a rendu fou, résultat tu crois que t'as des super pouvoirs comme mon gars Jean Goku. T'en fais beaucoup trop, tout ça pour son gros. Harry, faut rester pro, oui même si t'as les gros. Fais doucement, en plus de ça t'es venu accompagner. Ne me dis pas que t'es avec elle juste pour les papiers. Femme va t'allumer, te brûler jusqu'à te tuer. Je pense que tu vas perdre tes plumes dans le duel. Écoute tes gars, sur si tu ne veux pas de l'air gars. On t'a vu l'offre de la mise au bout de secondes de twerk. Viens changer d'air, on t'a vu tu transpires. Viens fumer le verre, mais va peut-être te donner l'inspire. Tout ça c'est du fake. Ne viens pas nous check, on veut juste les gros chèques et toi. Doucement cousin, ne casse pas ton cou. Mais vas-y doucement cousin, ne casse pas ton cou. Ça va. Doucement cousin, ne casse pas ton cou. Mais vas-y doucement cousin, ne casse pas ton cou. Ça va. Doucement cousin, ne casse pas ton cou. Mais vas-y doucement cousin, ne casse pas ton cou. Ça va. Doucement cousin, ne casse pas ton cou. Mais vas-y doucement cousin, ne casse pas ton cou. On t'a marqué à l'entrée, tu nous as déconcentré. T'es le point faible des hommes. Moi-même j'en perds mes mots. Tu leur fais tout de l'ombre. Oui, elles veulent tout te contrer. Oui, elles veulent tout te montrer. Elles veulent tout faire le show. Anti-twerk, les mains en l'air. Sur la piste, la mode, on l'enterre. Anti-twerk, c'est le black game. Sur la piste, la mode, je l'enterre. Anti-twerk, les mains en l'air. Sur la piste, la mode, on l'enterre. Anti-twerk, c'est le black game. Sur la piste, la mode, je l'enterre. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Casse pas ton dos. À l'instant. Non. Faut pas casser son dos, quoi. Casse pas ton dos. C'est extrait de la bonne. On aurait pu le mettre, Isa, dans ce clip-là aussi. Ouais, y a pas casser de... son dos. Bah, le prochain, peut-être. Un prochain, Isa, sera peut-être dans tous les clips, d'ailleurs, de Black M. Doucement cousin. Doucement cousin. Avec ce soir, donc dans l'émission, il y a évidemment. C'est ton problème. Évidemment, Black M avec nous. C'est fini, c'est pas grave. Alors attends, tu sais quoi ? Non, mais attends. Cet album qui sort le 31 mars. On est en avance. Ça va bien se passer. Non, mais il y a un truc que vous avez pas, les mecs, c'est que regarde, hop, je vous coupe. Mais toi, tu n'as pas ça. Je peux prendre ton micro aussi, alors tu te calmes. Non, je disais, ok, vous voulez jouer à ça ? Dis ça, relax, faites l'émission à ma place. Calmez-vous. Posez les questions à Black M, allez-y. On va poser les. Sachez juste que dans 3 minutes on a une page de pub, donc vous démerdez. Ok Black M, alors t'as combien de temps pour faire cet album? À peu près un an. Un an. Et y a qui? On peut voir qui? On peut entendre qui sur cet album? Bah tu peux entendre pas mal de gens du Watibé. Y a Girochrome, Doomams, Shinsekai. Effectivement, il y a une deuxième, justement, un deuxième personnage de Shinsekai qui vient d'arriver. On a Dadju, s'il vous plaît. Dadju. C'est un plaisir. L'entrée de Dadju. Et Dadju, je veux pas balancer, mais il y a Issa qui a dit que t'étais avec des grosses astuces. Voilà, alors. Pas, toi. On t'a dit c'est vrai. Bonsoir tout le monde. Issa lui-même, je le vois souvent à Gare du Nord avec des meufs au tissage blanc. Lui-même, il sait. Dadju, le sosie officiel de Stéphane Bach. La même voix. Il y avait des bouchons, il y a des bouchons de ouf là. Bah oui, c'est le président chinois qui a débarqué. Donc voilà, désolé du retard, on est là, on est toujours là pour soutenir Black le 31 mars dans les bacs. L'album est lourd, je l'ai écouté, je l'ai vécu avec lui. C'est une dinguerie. Voilà. Comme quoi, on n'a pas besoin de Fred sur Sky. Démerdez-vous, démerdez-vous, les mecs. Allez, continuez, enchaînez, il y a encore. Allez, allez, on y va. 31 mars, balance le 31 mars, tu répètes que 31 mars. Le 31 mars, qu'est-ce qui va se passer? Les morceaux sont lourds. Qu'est-ce qui va se passer le 31 mars? Le 31 mars, je serai à la Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie, séance dédicace. Très important. Tu viens avec ton CD, je t'offre un t-shirt. Collector. Très important. Oulax, tu as prévu de dire. Oulala, j'entends des trucs dans mon oreillette, je ne suis pas tellement d'accord, mais oui, j'y serai. Donc, c'est bien entendu rue de la Ferronnerie, je ne sais quoi. 29 rue de la Ferronnerie. Bien, à côté de Uncut, au passage, Uncut qui. Uncut méga sûr, qui nous sponsorise galère, de temps en temps. Mais couper son micro. Qui sponsorise aussi Fred directement. Oui, effectivement. Moi, ils m'ont fait des t-shirts à mon effigie, je ne les remercierai jamais assez. Exactement. Tu gagnes des sous sur ça ou pas? Non. C'est le seul problème. Il va falloir se plaindre à l'INPI, monsieur. Sinon, tu peux faire ton taf là, ça y est. Hein. Ah, ça y est, vous êtes. Putain, bah, ça passe de c'est longtemps. Toi qui envoyé la pub là, tu nous as dit 3 minutes. Eh bien, alors ne bougez pas, dans un instant, si vous aviez été bon, vous auriez dit ça. Dans un instant, en exclu total. Ouais, exclu Charlie total. Charlie Bell dévoile un titre. Ok. Ouais, mais non, mais tu veux écouter en entier. Des blancs, je vais combler ça lourd. Charlie Bell dévoile un des morceaux de son projet qui sortira courant de l'année 2014. Dans le Planète Rap de Black M. Ouais. Yes. Donc en gros, ne bougez pas. On bouge pas. En anglais, on dit stay here. Ok. On va rester juste à tout. Bouge pas. Bougez pas, dans un instant, le retour de Black M sur Skyrock et l'album sort le 31 mars. Des publicités, hein. Comme toi, Black M a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré à Black M. L'album sort lundi, il est en précommande dès maintenant. Et chaque soir. Tu précommandes le morceau, il arrive directement. Le lendemain sur ton iTunes. Et d'ailleurs, casse pas ton dos, il est entêté. C'est vrai? Ouais, poteau. Oh là là. Hashtag casse pas ton dos, le hashtag. L'autre hashtag, il est aussi ou pas? Black M sur Skyrock, on est entêté partout en fait. Essayez de mettre Willax en TT, ça va être dur. Essayez de mettre Doumbia, ça va être dur aussi. On sait pas, mais. De toute façon, on s'en fout d'être en TT. Du moment que Black M l'est, on est content. Voilà. Il a tout dit. Ouais, c'est bien, tu l'as bien trouvé le rôle de prof, je trouve. C'est bien, c'est trop bien, il est toujours dans le rôle. Il a pas quitté en fait, dit ça. T'inquiète. Bon, on va écouter un morceau maintenant avant celui de Charlie. Ouais, vas-y. Un de tes morceaux. Ouais, vas-y, on se met sur ma route. Sur ma route. Ok. Qui a écouté sur ma route? Évidemment, à bout. Écouté, hein. Très bon élève. Willax. Willax, t'as écouté? J'étais sur la route toute la sainte journée, c'est pas celui-ci. En même temps, je peux pas l'écouter. Comment tu veux que je. Moi, j'ai écouté. Ça sort dans 5 jours. Moi, j'ai écouté, mais on me demande jamais rien. Moi. Mais c'est vrai. J'étais perdu. Alors que moi, je l'ai écouté, c'est un de mes sons préférés. C'est un son vraiment que j'ai vraiment kiffé. Et c'est un des derniers sons que t'as fait en plus. C'est le dernier. C'est même le dernier son vraiment sur sa route. Oui. Ah oui. C'est tout. Putain, il a floppé. Ça veut dire juste mets le son et. Ah, juste avant, on me signale dans. On me signale dans l'oreillette qu'il faut mettre le titre. Donc on balance le morceau. C'est parti. Quelle intervention. Incroyable. Let's go. Cette émission sur ma route. Sur ma route, c'est parti maintenant. 31 mars dans les bacs. Et au platine. Yeah. Ah oui. Dédicace à Pépé et Baram. J'ai eu des moments de doute, je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui. Fais des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre. Mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ouais, ouais. Ne me parle pas de nostalgie. Ça va. Parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Ah. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Yep. Je sèche mes larmes, je pèse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route est trop longue de fond. Lundi à la Wati Boutique, les choses se passent en fond. Tu n'as rien vu. N'oubliez pas, 31 mars dans les bacs. Yeah. Les yeux plus gros que le monde. Ça va. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Quel morceau? C'est très très très touchant. Quel morceau? Ouf, j'aime bien. Sur ma route, extrait de l'album. Oh là là, Black M a chaussé ses lunettes. Ah ouais. Minute Black. Sa Minute Black, c'est il filme en fait. Oui, c'est il, c'est il. C'est, il, c'est, il, c'est, il a, quelle élégance. Ça prend l'habitude. Hein. Merci, merci. Hein. Oui, ça va. Oui, en tout cas, sur ma route me donne envie de marcher pieds nus. Voilà. Ouais, c'est un gaz de ouf. Sur ta route, n'oublie pas d'aller acheter l'album de Black M. Oh là là, bravo. Le 31 mars. Toujours très bien. Avec la sortie le 31 mars et en précommande dès maintenant, n'hésitez pas. On a un coup de fil. Je crois qu'il y a un de vos joyeux compères qui veut intervenir en direct à l'antenne. C'est qui encore qui veut nous parler? Allô, allô Black M, c'est Romoy, c'est Rekev. Oh, Kev, Kev Adam, c'est là, il est là par téléphone. Le gars appelle tous les jours. T'apparaît tous les jours. Bah, tu pouvais pas manquer cette soirée puisque. Écoute, non, mais parce que je vous écoute à la radio, je voulais passer au studio, mais c'est trop serré parce que là, je suis sur ma route. Et du d'accord. Coup, voilà, je voulais juste passer un gros big up et dire à tout le monde d'aller de courir acheter cet album. C'est des tueries, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est des tueries. Merci, bravo, mon poto. Sauce. Merci. Il déchire tout. Et j'ai seulement vu la réaction sur le clip de ma femme. Si, si, si, y a que des bons retours. On va ouvrir la première école de Michael Jacksonage, ma gueule. Faut l'ouvrir, faut commencer sur à y penser. Route, ouais. Sur ma route, je suis parti voir Fiston, mec. C'est vrai? Ah. Exactement. Et mortel. Ah, merci beaucoup, frérot, ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Bah écoute, c'est bien. Bah, merci plaisir, en tout cas, c'est frérot. Cette et fraternité. Bah, frérot, et bah, c'est, on pense tous à toi, 31 mars, c'est parti, on y va, les yeux plus gros que le monde. Et je t'appelle pour l'ouverture de l'école de Michael Jackson. Ça marche, mon. Et puis on t'attend demain, demain après-demain, si tu veux intervenir, n'hésite pas, hein, tu connais le numéro. Je vous rappelle demain pour vous donner la météo, ça marche. Ciao, Kev. Ça marche, ciao. Ciao, les copains. Un petit coup de fil avec Kev Adams à l'instant, qui lui aussi est dans le clip de Madame Pavoshko. Ouais. Vous ferez le live dans un instant, il y a le morceau de Charlie Bell à passer et Yanis de Sartrouville par téléphone. Salut, Yanis. Salut, ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquillement. Black M, bien quoi? Bien, mon sauce, c'est toi. Tranquillement, lourd, le projet lourd. Merci, merci, ça fait plaisir. Ça sort lundi 31 mars. Yanis, toi, tu viens freestyler dans l'émission. Comme d'hab. Bon. Je crois même que peut-être un moment ou un autre, il y a Issa qui peut intervenir parce qu'il est très chaud. Il m'a dit, moi, je freestyle ce soir, quoi qu'il arrive. C'est pas donc bon n'hésite pas Yanis, on t'écoute, c'est parti. Vas-y, pas de soucis. Oh, ok, faire de l'ombre. Rictus, le 27 mars, hein. Springs, vendredi, 20h, ok. Oh, check, F2L, brah, ok, la rafale, check, YKNIS, hein. Ok, ok. J'arrive dans les bacs, je vais détrôner le duc. Que de ma personne, je me préoccupe. S'ils font les malins, tu les ratatatatata, t'en dans huc. Attention dans le rap, je crée des homicides. Rafale, t'as plus de merde dans ton domicile. T'as plus de verbes et tu ne sais pas faire de rimes. Sous surveillance que des domiciles. Si les connais tirent partout, tu fais ski. Je marche sur la coque, j'ai des après-ski. T'as que t'allais me baiser, petit enfant de pute. Avant de me viser, faut que tu sois précis. Jack Bauer, tire dessus. Qu'est-ce qu'on sent pas les couilles de ta ville. Que tu sois armé jusqu'au dents. Si tu fais malin, on t'enlève ta vie. Vie. Mauvais mot, ça fait 3 ans que je suis dans ce putain de business. Je ne fais pas de démo. Sache que je vise à tes si je tire mec. Mec, je te croise ta mère si tu parles mal. Obscur pénombre, pas dans Batman. Je crois que tu me baisses, ça grave ton cas. Pour cadabra, ça vient de Paname. Esquive la balle, si t'es rapide. Je fais mes poupas sur thérapie. Je suis double face, tombe sur la pile. F2Z, dès que j'arrive, on te la pite. Brrr. Ok Yanis, un instant. Yanis de Sartrouville, pardon. Ah, merci, ça, merci. Il en fallait peu. Tu pour rigoles. Mais parce qu'il se fout de ma gueule. J'en ai marre de Fred. Galère. Là, je lui ai tendu une belle perche avec le Sartrouville. Yanis, petite dédicace, on peut te retrouver sur le net. J'ai cru comprendre qu'il y a un truc qui sort, c'est ça, vendredi. Ouais, hein. Bah, Rictus, il y a mon projet avec un bon cousin à moi. On a sorti un bon projet, tu vois, avec les moyens. Il sort le 27 mars, vendredi. Il y aura des sons qui seront mis un petit peu de temps en temps, tu vois. Et vendredi 20h, il y a un gros son qui va être mis en ligne. Faut que tous les gens soient connectés. Mon Twitter, c'est YanisF2L. Le Facebook, c'est YanisF2L. Et il y a un très très très très gros son qui va sortir vendredi. Faut vraiment que ça pète. Et bah merci à toi en tout cas, Yanis, d'avoir été là. Dédicace. Ouais, vas-y. Allez, Casse-Dette à Chapsbeat, DJ Pras, aux frères de l'ombre Amir, aux frérots Tom, Samir et David, aux Inkou Karim, Bilka, Yanis et Akimo, Samir, à mes en bas, Arnaud, Tony et Jess, Amis de Nanterre, dans ces quatre, Cheikh, Limsé, Samy, 12-12, Wahil, Alma, le poteau Hamzon. Gros big up à tous mes salous, je vous oublie pas. Grosse dédicace à mon ingé son Yann, Messi, Nico du Palamera. Big up à Peli Pizza, et ça vient de Sartrouville, c'est les frères de l'ombre. C'est bah merci à toi Yanis. Quelques dédicaces, Yann. C'est pour l'emploi. C'est ça. Willax, petite dédicace, allez-y les gars. Dédicace à Sartrouville, Julien Leroux, S-Town, tous mes gars loin, mes gars bloqués dans le tromé, mes gars loin, mes gars. Viens, on fait un truc sérieux, on écoute le son de Je crois qu'il est grand temps, vous l'attendez tous ce morceau. Oui, on attend. Le morceau de Charlie Bell. T'as rien compris, c'est le nom du morceau. Hein. Le morceau s'appelle T'as rien compris. T'as rien compris. C'est un son pour donner de la force aux meufs à ma façon, on va dire. Mm-hmm. Ça va te parler ce morceau. Ouais, bien sûr. T'as rien compris, ça sortira donc. Il y a un clip qui arrive, c'est ça hein. Ouais, d'ici 2 semaines maximum, on va dire. Et ben on y va. On découvre maintenant en exclusivité totale, s'il vous plaît, écoutez t'as bien. T'as rien compris. T'as rien compris. Et toi, t'as rien compris. Le morceau préféré dit ça maintenant. T'as rien compris. Allez, c'est parti. Si tu veux croire que je vais pleurer, si t'as beau m'embrouiller, me dire que j'ai tout niqué, que je suis rien qu'un aspect, fallait peut-être que je te prévienne, que je voulais te tromper. Excuse-moi, j'ai oublié, comme le fait que je t'aimais. Mais attends, qu'est-ce que tu parles, pourquoi tu fais le hoche? T'es jamais là, qu'est-ce que tu crois, toujours à droite, à gauche. Moi je ne crois pas que c'est moi qui ai fait une faute. D'ailleurs t'es jamais là, tous tes gars passent avant moi. J'ai des envies aussi, je sais que tu m'as compris. Fallait y penser avant, maintenant j'ai plus le temps. Fais pas le mec vénère, bébé calme-moi tes nerfs. C'est toi qui as tout niqué, pas moi je suis désolée. Si tu crois que je vais culpabiliser, je croyais en nous, tu étais tout pour moi. C'est fou, j'étais dans le flou. Je pensais destin. Entre temps t'as changé et tu m'as négligé. Bah oui, je suis désolée. Qu'est-ce que tu parles, pourquoi tu fais le hoche? T'es jamais là, qu'est-ce que tu crois? Toujours à droite, à gauche. Moi je ne crois pas, qu'est-ce que c'est moi qui ai fait une faute? Sérieux, t'es jamais là, tous tes gars passent avant moi. Si tu crois que je vais culpabiliser, m'en vouloir, penser que j'ai tout caché. T'as rien compris, c'est toi qui as déconné. J'assume et ça sans aucune pitié. Sérieux, les gars comme toi je les connais. Il était temps de remplacer. C'est juste la route du sais, soir. Je ne suis même pas désolée. C'est juste la route. J'assume et ça sans aucune pitié. C'est juste la route. Sérieux, les gars comme toi je les connais. C'est juste la route. Il était temps de remplacer. Si tu crois que je vais culpabiliser. Charlie Bell à l'instant. Bravo. En exclu, on peut applaudir Charlie Bell s'il vous plaît. Le morceau. Merci, merci. T'as rien compris. Lourd. T'as rien compris. C'est le nom de ce morceau. Bah oui, ça s'adresse à toi. Les genres de mecs comme toi qui comprennent pas les meufs. Qui comprend rien aux meufs et au son, je comprends rien du tout à rien en fait. Bah écoute, ça m'a parlé ce morceau. C'est vrai ? Ouais, ça m'a parlé. Pour une fois. Pour une fois, il y a un morceau qui m'a parlé, c'est le tien. Merci, merci. Mais ça t'a parlé aussi, ça, il y a un truc. Hein. Ouais, un débrief sur. Bah justement, j'ai demandé le thème du morceau, t'as rien compris. Et toi, t'es bête. C'est trop, toi. Bon, voilà, continuons maintenant que puisque. Rien compris. Puisque Black M est là et yes. Nous allons encore profiter de lui pendant quelques minutes avec ce soir donc Charlie Morceau en live. Voici en live. Tu as baqué. Mais je peux dire les vrais noms. Non. Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt. I'm ready, boy. Voici Madame Pavoshko en live. DJHQ. Yeah. Oh. Hello. Skyrim. Hey. Alors, dès que vous allez entendre Fire, vous allez tous répéter Fire. Sauf un bout de beigne. Yeah. Hi Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko. Oui. Oui Madame Pavoshko, j'ai toujours autant d'inspi Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavoshko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. Yo, vous vous souvenez de Wham? Oh. Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Oh. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'on m'a pouca voyage d'où est le snipe. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Les en. Oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Moi. Hi, Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavoshko. Oui. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire. J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi, tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi, au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets, ou la kikiké. Oui, je sais, madame le rap, enfin, il gâte mon cul. Aïe, madame Pavoshko. Non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits, madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, madame Pavoshko. Oui, madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, madame qu'un jour vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un. Une petite voix me chuchotait, vas-y. Tire sur l'école. Ça fera une petite anecdote. La directrice, elle est conne. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? On n'est pas au poste de police et moi, je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège. Oui, aujourd'hui, ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le flic. Quel drôle de type, je dirais même petit con qui s'imagine avoir la force de King Kong. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le flic, les drôles de type, je dirais même petit con qui s'imagine. Aïe, madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, madame Pavoshko, et vos gosses me kiffent, madame Pavoshko. Oui, oui, oui, oui, madame Pavoshko, j'ai toujours autant d'inspi, madame Pavoshko. C'est pour mes gars, oui, madame Pavoshko, si vous voulez, on se tweet, madame Pavoshko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Disais que tu faisais partie des plus nasses, les connes. J'ai ton cahier, mais le fire. Fire. Fire. Fire. Et c'est pour toi un avertissement. N'est autre qu'une excuse de plus de divertissement. J'ai ton cahier, mais le fire. Fire. Fire. Fire. C'est fini, Willax, calme-toi. Mais le fire! Mais le fire! Ok. Ah, il a dû être marrant le tournage. Ah, c'était une dinguerie. On t'a dit, Black ne fait pas semblant, il fait pas semblant. C'était une dinguerie. Et ben voilà le live de madame Pavoshko. Tiens, attends, il y a mon gars Lio qui vient juste d'arriver, je l'ai pas présenté. Monsieur Petrodollar, la Petronation. Merci. La Petronation est parmi nous. Ouais, on est là pour soutenir le refrain. Il sort son beau mal. J'ai écouté quelques sons et franchement, vous n'êtes pas prêts comme d'hab. Vous allez vous manger des grosses gifles. Venez à. C'est quand déjà la sortie? Excuse-moi. Dans 5 jours. t'es pas sérieux? Non, je blague. C'est le 31, le 31 mars. Voilà. Bah, vous voyez ce jour-là, quand vous allez acheter le CD, venez avec les casques de boxe pour pas vous manger les gifles. Vous voyez ce que je veux dire? Non. On voit le délire, on voit. L.I.O. Petrodollar. Yes. Merci à la Petronation représentée par L.I.O. Petrodollar à l'instant. Avant de se quitter, je crois qu'il est grand temps de faire tourner la roulette. La Skyroulette, et oui, nous allons accueillir tout de suite Mélissa. Eh ben, attends, tu veux faire la roulette? Et qui vient de Bordeaux. Tu veux faire. Attends, deux secondes. Allez, là ou pas? Il y a le générique. Ouais, vas-y. Allez, coup d'envoi. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Salut Mélissa, tu as 22 ans et tu vis à Bordeaux, c'est ça? Eh oui, c'est ça. Alors, ça te plaît le Planet Rap de Black M? Oui, j'aime beaucoup, oui. Oui, alors tu vas aller chercher l'album? Bah oui, écoute, quand tu Eh ben, t'as intérêt, sinon tu ne gagneras pas. Alors, qu'est-ce que tu aimerais gagner dans la Skyroulette? Qu'est-ce que t'aimerais gagner? Réponds! Mais place de Captain America. Et bah justement, on fait tourner pour aller voir Captain America au ciné. Et dès que tu veux. Tu veux, tu cries. Stop. Voilà, c'est le principe de la roulette. Suivi de Black M. Captain America. Tu cries Black M maintenant. Et quel est le cadeau, Issa, s'il te plaît? Alors, le cadeau, c'est 5 places. 5 places pour aller voir Captain America. J'en étais. Bravo. Ah, bravo. J'avais l'impression qu'il n'y avait que ça dans la Skyrock. Et ben, c'est pour toi, Mélissa. Tu vas pouvoir profiter. Le film est sorti aujourd'hui. Tu y seras. On t'envoie rapidement les places. Super, merci beaucoup. Mais ils vont te les envoyer quand le film ne sera plus à l'écran. Il y aura peut-être le troisième volet. Ça arrive pour le troisième volet, t'inquiète. Voilà. Mélissa, t'es en avance. À dans 5 ans. On te fait un bisou, Mélissa, à l'instant. Merci en tout cas pour cette belle soirée, une fois de plus. Black merci Guy. À toi, Fred. Merci aux invités, Willax. Merci à Shin Sekai qui était là. Sekai, le Watibé. C'est une habitude, le Watibé. Le Watibé, évidemment. Merci à Charlie Bell qui était là. radios comme jamais. On attend donc le morceau. Merci, 31 mars dans les bacs. Yeah. Le 31 mars. Yeah. Et on attend ton morceau dans une quinzaine de jours. De jours. Mais hey, je tiens. Entêté, s'il vous plaît, mettez entêté. Fred est fatigué. Fred est fatigué, entêté. Fatigué. Laisse la place aux jeunes. Oui, ça va arriver. Des cheveux au moins qui sont pas trop poids vaisselle quand même. Non, s'il vous plaît. J'ai une petite parenthèse. Oui. Qui n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je voudrais juste dire que le clip Marine Monster de Marine Monster et compagnie, Belgique et Yanslow, est sorti à 18h, c'est une dinguerie. J'avais juste envie de dire ça. Et je rappelle encore une fois, pourquoi on est là, pour le 31 mars, Black M, lundi, yeah, à la Wati Boutique. On sera tous là, il y aura tout le Wati B. Il y aura des t-shirts, et les t-shirts sont lourds, franchement. Parce que, je vais dire la vérité, hein, généralement, nos t-shirts sont Singap, tu vois. Non, je rigole. J'ai vu le boss, c'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai vu le boss, je vois le boss d'ici. Quand le boss est parti. Non, les t-shirts sont vraiment lourds, ça fait vraiment lourd. Et donc venez. Ouais, c'est la pochette en fait. On sera tous là. T-shirt collector. Avec la pochette. Collector. C'est limité, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas. Et il les a tous portés. Waouh. Je les ai tous portés, ouais. Donc c'est vraiment collector. Voilà, il y a son ADN dedans. N'oubliez pas la préco, vous précommandez un nouveau morceau direct en exclusivité sur ton iTunes. Merci à Willax. Yeah, yeah, yeah. Merci beaucoup. Qu'on retrouve sur le net, un peu partout. Toujours sur YouTube. Daily, Facebook, c'est chaud, putain, hein, tu peux me retrouver sur toutes ces putains de plateformes digitales, hein, avec Samy la famille, c'est chaud, on vous tire dessus, hein, Fouette de Sky est fatigué, mettez-le en TT, c'est chaud, hein, ouais, il a envie de midor, quoi, c'est chaud, on lui tire dessus, boum, boum, boum, boum. Bah, je me réveille d'un seul coup. Merci aussi à monsieur Issa Doumbia qui était avec nous. Oui, merci. Et qu'on retrouve donc sur nos chers voisins, qu'on retrouve au cinéma, au théâtre, à l'opéra. Et puis, le crocodile du bout de son gars qui est en ce moment à l'affiche encore, avec Fabrice et Thomas. Et aussi, vous pouvez me retrouver le 31 mars dans l'album de Black M. Voilà. Voilà, je serai à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Ouvrez la pochette et hop, oh, et je sors. Tu vois, Issa dedans. Sort. Voilà. Cadeau. Vous frottez la pochette, Issa sort. Par contre, on a dû serrer la pochette, mais bon, ça va sortir quand même. Merci à Issa, merci Black M. Merci à toi, Fred. Merci à HQ qui était aux platines, à tout le monde, entre 20 et 21. Brutal, qui est là. Et là, nous allons trouver Difool maintenant et toute l'équipe de la radio. Difool, il te vole 10 minutes. Difool, il est en scooter là. Il est en scooter. T'es où? T'es en retard. Il est pas loin. C'est à cause du chinois. Oui, il y a le président chinois. C'est pas bien. Oui, là c'était limite dérapage. Hein. Ah ouais, on a toujours accusé les mêmes personnes. Ah, d'accord, toujours les chinois, les pauvres. Oui. Il y a le président chinois à Paris. Ouais. Et c'est un vrai bordel. Ce soir. Ah oui, c'est un bordel. Si tu veux, on va te remplacer. Hein. C'est 10 minutes que tu nous dois normalement au palais de France. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va faire un grand jeu dans un instant avec toute l'équipe de la Radio Lille. Je vous explique. On est de retour dans 5 minutes. La game, yes. Demain. Ouais, demain je serai là. En fait, Difool, tu racontes ta vie là. Ouais, c'est parti pendant 3 heures en plus. T'es sûr quelle rue t'es dans quelle rue exactement là? Là, je suis rue Grand Etat, là, je suis avec vous, avec les fans de Black M qui sont tous. Hein, voilà. Les fans de Black Dame qui lui ont piqué son portable. Voilà. Piqué le scooter aussi. N'hésitez pas à mettre aussi entêté que Difool est aussi fatigué. Merci. Ah oui, bien fatigué. Ah, voilà, là, ça a carrément coupé. Oh, carrément coupé. Difool est dead. Difool est dead. Entêté. Très important. J'en profite, n'oubliez pas le 31 mars dans les bacs. Merci à vous tous. Allez, coup d'envoi un peu de pub et on retrouve la radio juste après. C'est chiant, frérot.